boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Par du très très très pop. Vous avez peut-être reconnu mon gimmick préféré du moment, c'était à l'instant Owl Nation avec le premier morceau issu de son nouvel album The Best. Owl Nation, le nom ne vous dit peut-être rien, mais les amoureux de foot et de Bein Sports connaissent au moins le refrain de Sail, second morceau pour ce soir de Owl Nation. We'll be right back. Album de Owl Nation, mais ce soir c'est le quatrième album de Owl Nation qu'on découvre, sorti en 2020 et conçu dans une période troublée aux États-Unis avec notamment les incendies en Californie et l'arrivée du Covid. Source d'inspiration pour Aaron Bruno, cerveau de Owl Nation pour l'album Angel Miners and the Lightning Rider. Mas so me and my angel dancing on a ship. Party with the vultures. We can coexist. C'était Slam, le troisième morceau du soir de Owl Nation, hommage à tous ceux qui ont lutté contre les incendies en Californie fin 2019 et début 2020. Et on termine la session Owl Nation par un dernier extrait du quatrième album de notre artiste préféré du soir, un morceau qui résume bien cet album. Le morceau s'intitule Half Italian. I'm emotional. Antonio Pottold et Dandy Warhol, groupe estampillé pop and rock, avant de repartir immédiatement dans des découvertes très pop, pop comme le nom du groupe fou venant d'Islande et que vous auriez pu ou dû découvrir dans l'Eurovision 2020. Vous savez, cette émission non identifiée venue du fin fond de la galaxie. On va donc se lancer pour trois titres de Daddy Frère. Alors là, je suis pas du tout sûr de la prononciation, mais le titre de leur morceau est en anglais, Think About Things. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so. I find it hard to see how you feel about me, 'cause I don't understand you. Oh, you are yet to learn how to speak. When we first met, I will never forget, 'cause even though I didn't know you yet, we were bound together then and forever, and I could never let you go. To know, what do you think about things? Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. Ce soir avec un groupe au nom imprononçable à écouter, mais surtout à voir dans des vidéos décoiffantes. Mais en attendant, on enchaîne un second titre, Where We Wanna Be. Stuck at home right now, but let's enjoy ourselves somehow. That's all I want, that's all I want, that's all I want, that's all I want, that's all I want. Online communication, but all I dernier aller-retour pour l'Islande avec le troisième morceau de Dirty Frère, Heavy Slow. Still, I have forgotten how to do conversation. You say hi again, and I try to open my mouth, but you stop me right away and say, I know exactly what you're going through, 'cause I feel the same way. I'm having no fun here anyway. Thank you. Après la pop, voici le rock, et en introduction de cette seconde partie beaucoup plus rock, on vient d'accompagner l'Australien, l'ex-copain de Nick Cave, c'était Roland S. Howard, issu des terroirs australiens comme The Inspector Clouseau, malgré ce pseudo très britannique, est issu du terroir du sud-ouest de la France. Famous Season, ou quand The Inspector Clouseau nous fait un cover de Neil Young. Neil Young, vous savez, c'est ce type qui est accompagné de ses chevaux fous, comme dans le morceau Shut It Down 2020, en hommage à tous les soignants du Covid. On écoute donc Neil Young and the Crazy Horse. System down. Have to shut the whole system down. People are trying to save this earth from an ugly death. Have to shut the whole system down. People are trying to live, working in a world to meet that threat. Have to shut the whole system down. All around the planet, there's a blindness that just can't see. Have to shut the whole system down. They're all wearing climate change, as cool as they can be. Have to shut the whole system down. Shut it down. Shut it down. très bien dans Pop and Rock sur RVR. Et n'oubliez pas, si vous voulez avoir la playlist de nos émissions, rendez-vous sur la page Facebook de Pop and Rock. Vous y retrouverez notamment le magnifique, le sublime Wicked Game de Chris Isaak. Love. With you. C'était pas prévu, mais finalement on est parti pour une petite triplette de Chris Isaac. On a écouté à l'instant Lie to Me et on va mettre le morceau emblématique. Non, c'est pas Blue Hotel, c'est un morceau qui s'appelle Dancing. Chris Isaac. Something that keeps you dancing. 2014 se termine avec un début très pop et une fin très rock. On se quitte avec Karl Barat et ses chacals. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. You and me, it seems we dream of ships, galleons to carry us away. Long away, but they just don't come in. It seems they sailed yesterday. Again. Seven up to see if it was true, 'cause I know with just myself to blame. So now I'm going to blame you. Behave, but she wants me to change my path to the grave.